Alors bonjour, il semble que vous avez apprécié la fable de La Fontaine de la dernière fois, la cigale et la fourmi. Aussi, je vous en ai préparé une autre pour aujourd'hui, toujours adaptée au contexte actuel nord-américain et à l'époque contemporaine. C'est une fable de La Fontaine qui a pour titre « Les animaux malades de la peste » et qui est devenue « Les cocombres ésotériques malades de la tête ». Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste des pouvoirs psychiques, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour les démons, faisait aux ésotéristes vaniteux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait plus d'occupés à chercher les beautés de la vie. Nul mais n'excitait plus leur envie que les mantras magiques du Tibet et le commerce avec les entités. Tantrisme noir, kundalini yoga, ouverture des chakras, tout le monde passait par là, même la douce et innocente proie. Les tourtereaux se fuyaient, plus d'amour, par conséquent plus de joie. Le roi tint conseil et dit, « Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune, que le plus coupable de nous se sacrifie et dénonce les gourous. Peut-être obtiendra-t-il la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents, on fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point, voyant sans indulgence l'état de notre conscience, puisque chacun, à l'heure de la sentence prononcée, recevra le juste salaire de sa sotte vanité. » Maintenant, pour nous parler des dangers réels de la course au pouvoir psychique, on accueille sans plus tarder Monsieur Bernard de Montréal. J'ai expédié ça, hein, j'ai fait ça vite pour pas que le café refroidisse. Avez-vous voyagé ce mois-ci? Non. Ah, pour une fois, les rôles sont inversés. Moi, j'ai beaucoup voyagé ce mois-ci, devant ma télé. J'ai passé tout le mois de juillet à regarder les cocombres de l'ésotérisme. C'est clair. Et je vous assure que c'est tout un voyage. Pour vous donner une petite idée de la température qu'il fait au Québec à ce niveau-là, il fait très chaud aussi dans les têtes. J'ai commencé par regarder une émission où l'animateur et l'intervieweur faisaient à tour de rôle l'éloge et la promotion de l'homosexualité sur une émission ésotérique. Et l'intervieweur a eu pour argument à un moment donné, il a demandé à son invité si dans le fond l'homosexualité c'était pas quelque chose contre nature. La réponse de l'invité en question, ça a été de dire que ce qui était contre nature, c'était de poser ce genre de questions. Et que il n'y avait rien là, l'homosexualité, tout était permis dans la nature, à condition que l'homme ne développe pas de sentiment de culpabilité. Et voilà le tour de passe-passe. Par la suite, il y a eu des questions encore sur l'homosexualité, le sida, et on a appris, encore une fois, que si l'homme n'avait pas de complexe de culpabilité, c'était permis. On en arrivera un jour à entendre même que les rapports avec les animaux sont tolérés. À partir du moment où vous n'avez pas de complexe de culpabilité, tout va bien. J'étais encore éberlué de ce genre d'émission lorsque je m'en vais sur la rue Saint-Laurent. Et là, je vois centre de méditation sida. Ça m'intriguait énormément. Je me demandais si les méditants en question étaient les gens qui méditaient avant ou après avoir eu le sida, si c'était pour l'avoir ou si c'était pour s'en débarrasser. Et c'est une devanture à caractère oriental. Fait que j'ai été frappé à la porte et c'est un Québécois en turbané qui essayait de se faire passer pour un hindou, probablement. Il m'a donné son nom. C'était quelque chose comme tâte ma poche ou touche ma poche. C'était une école de tantrisme. On devrait plutôt parler de tangué dans ce cas-là, mais en tout cas... J'ai demandé, c'était quoi ça, la méditation sur le sida, qui proposait comme cours de développement de la personnalité. Alors il m'a dit, eh bien c'est dans le but avoué de développer certains pouvoirs, comme les pouvoirs de lévitation, tout ça. Je comprenais très bien qu'une personne atteinte du sida était pas loin de la lévitation, passer dans un autre monde. Mais là, il a vu que je comprenais pas ce qui se passait véritablement. Puis il y avait une confusion, c'est que le sida, pour les hindous, ça veut dire les pouvoirs psychiques. Ils développent le sida, eux autres. Ah, je trouvais ça intéressant. Le sida psychique, chez les orientaux, puis chez les occidentaux, c'est pas loin d'être la même chose à la télévision. On en fait l'éloge aussi, d'ailleurs. Par la suite, j'ai vu d'autres émissions où, là, cette fois-ci, c'était un gourou. Enfin, il y en avait toujours les apparences. Et il en arrivait, comme dans les autres émissions, à prôner également le tantrisme. Fait que c'est un véritable sida psychique auquel on assiste en ce moment. Là. Comme je disais, ils n'en mouraient pas tous, mais tous étaient atteints. Et je trouve qu'actuellement, il y a énormément d'exagération dans ces domaines-là. Je pense que sur 4 émissions d'ésotérisme que j'ai vues, toutes amenaient finalement les gens au tantrisme, donc au rapport sexuel. Évidemment, ils se recommandent tous du tantrisme blanc. Il n'y en a pas un qui va dire c'est du tantrisme noir ou de la magie noire. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est quel est cet intérêt qu'ont les orientaux de nous passer cette mode-là? Qu'est-ce que c'est qu'il y a derrière cette méditation sur la kundalini yoga, sur les chakras, et tout ça à base de tantrisme et de sexualité? C'est quoi cette affaire-là? Ce ne sont pas tellement les orientaux qu'il faut blâmer, ce sont les occidentaux. Autrement dit, les orientaux ont certaines choses à offrir à un monde occidental qui pense différemment, à un monde occidental où l'ésotérisme, où les sciences occultes, à un niveau ou à un autre, ne font pas partie de la science générale des nations. Donc, l'occidental est fasciné par des choses qui font partie de notre esprit. Mais, par contre, sa naïveté est tellement grande que dès qu'il vient en contact avec des aspects de cet autre esprit, il se laisse facilement manipuler, il se laisse facilement avoir. Si nous regardons les sciences dites ésotériques ou les sciences dites occultes, ces sciences ne viennent pas tous de la lumière. Ouais, de quelle lumière viennent-elles? Donc, d'où viennent-elles ces sciences? Il y a des hommes qui ont retracé l'origine de certaines sciences, qui ont conscience du développement historique, proto-historique de ces sciences à des niveaux très avancés. Mais le peuple, les masses, surtout les masses occidentales, sont totalement désavouées face à la nature originale de ces sciences. Le pourquoi, l'origine, les buts occultes, qui peuvent être extrêmement pervertis. Dans ce sens, je n'emploie pas le terme perverti dans un sens moral. J'emploie le terme perverti dans un sens qu'il y a dans la vie, dans l'univers, il y a des forces qui se font la lutte. Que vous appeliez ces forces, les forces du bien ou les forces du mal, la lumière ou les ténèbres ou quoi que ce soit. Il y a une polarité dans le cosmos. Et les gens ne connaissent, ne sont pas, surtout les Occidentaux, ne sont pas avisés de la nature et de la qualité de ces sciences. Donc, de mon optique à moi,